clairière au-dessus de la bataille. Oh la vache! On est en train de perdre la bataille! On est en train de perdre! Mais non, j'arrive même pas à reconnaître qui est qui là-dedans. Et c'est censé me rassurer? Non. Voilà, de l'orage! Ça va arranger notre affaire, ça. Bon, tu crois? Pas du tout, mais bon... Hey, c'est pas ta copine, là-bas? Oh, Pila! Merde, les araignées ont contourné nos lignes et elles ont attaqué par derrière. Ça fait toujours mal, ça. Vite! Faut leur donner un coup de main. Attends, un des nôtres nous rejoint un grand coup d'aile. Bender, les carbons qui vont gagner. Qu'est-ce qu'il a dit? En passant, il t'a dit qu'on avait gagné la bataille dans les airs, mon gars. Cool! Mais seul sur la Terre est loin d'être gagné. Allez, fonce! Ok, c'est parti! T'inquiète, Mila, ton vieux pote Booze va te tirer de là. Au bord de la clairière. J'arrive pas à me décoller. C'est une toile d'araignée. C'est fait exprès. Et comment je le sais, moi? Si personne me dit rien sur les araignées, hein? Comment je le sais? Foutez-moi le camp d'ici, César. T'as la tête de bouger, toi. Ne te laisse pas mordre, Mila. César, venez, il faut quitter la bordure. Il ne faut pas que les rats vous atteignent. Mila, ne te laisse pas mordre. Petit être. Approche pas. Promis d'attraper. L'heure de m'en manger. I wish. Au cœur de la bataille, au milieu de la clairière. Le rat qui s'était dressé devant moi restait les pattes avant écartées, contemplant le trou dans son torse. J'avais retiré ma lance d'un coup sec. Tout autour de moi, les corps s'entrelaçaient. La pluie tombait. La terre devenait boue. Les corps devenaient cadavres. Ici, plus rien n'était distinct. Ici, il n'y avait que le chaos. J'ai tout juste le temps de tourner la tête pour entrevoir la masse difforme d'un rat se jetant sur moi. L'impact fut douloureux. D'un coup d'épaule, le rat me projeta au-dessus de la bataille. Je retombais lourdement sur la terre. Une goutte d'eau s'écrasa sur moi. Je crus me noyer sur le cou, mais très vite, le liquide s'écoula, lent, doux, loin de l'odeur âcre des combats. Nous perdions. C'était la seule idée qui me venait en tête. Nous perdions la bataille. Tout cela n'avait été que chimère. Contre Ratis, nous ne pouvions pas gagner. Sonné, je me mis à ramper en dehors du marasme. Le bruit était diffus, étrange, lointain. Où étais-je? De l'autre côté de la clairière, près de la forêt. Je rampais. Je n'eus qu'à incliner légèrement la tête pour apercevoir la silhouette de Ratis qui sortait de la foule. Il me suivait. Je rampais, difficilement, sonné. Tout autour de moi, les formes étaient floues, dansantes, difformes. J'arrivais au pied d'un grand arbre à quelques pas de la clairière. Je contournais, une lance encore en main. Le ventre dans une boue putride, la tête énorme où résonnaient des milliards de sons. J'avais mal? Peut-être. Je ne sentais plus grand-chose. Déjà nous quitter. Ratis me suivait, à pas lent, sur ses deux pattes arrière. C'était ni un chêne. Je me retournais lentement sans comprendre pourquoi je commandais à tête geste. Pourquoi je retournais. La clairière me semblait si lointaine. Ici, personne ne nous dérangerait, Ratis et moi. Personne ne pouvait nous séparer. Notre destin. Je me suis retourné, le dos contre une racine du chêne. Ratis était là, grand et fier, sur ses deux pattes arrière. Il tombe à plus d'eau désormais. La pluie se fit plus forte. Les gouttes frappant les feuilles des arbres. La boue. La pluie. Le tonnerre. Ah, Ratis. Il me souriait. Son sourire s'effaça. Son œil rouge brillait intense, une flamme dans l'obscurité. Le ciel était si noir en plein jour. Les nuages semblaient être de gros oreillers noirs sur lesquels il était bon dormir. Un éclair zébra le ciel. Le visage de Ratis fut comme illuminé par l'orage. Était proche, mais Ratis ne bougeait pas. Nous nous regardions. Franchement, nous ne faisions que nous regarder. Et au fond, je savais que nous perdions la bataille. À moins d'un miracle. Nous avions perdu la guerre contre Ratis. Les Baefouich allaient mourir. Tu vas goûter à ma main, c'est... Ne t'approche pas de moi! Dépêche-toi, Bender! Les araignées vont bouffer Mila! Et je file aussi vite que je peux! Nous perdions la guerre. Bah, il faut...